arrivé. Good afternoon, Toronto. You're listening to Super Question on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'll be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore. And it's going to be a great show, so stay tuned. Amnésie avec Clan de Haine, leur album Protection de la Jeunesse. Bonjour tout le monde, vous écoutez Sous Pression, zone de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et j'ai de la bonne musique prête pour vous, à vous faire jouer aujourd'hui jusqu'à la fin de l'heure pour les 53 minutes approximativement qu'on a ensemble. Et sans trop tarder, je vais arrêter de parler puis je vais continuer la musique. Je vais jouer du Marabout, de leur nouveau EP, la chanson Souvenir, EP sorti, je me rappelle plus quand, c'est comme au mois de juin. récemment. En tout cas, excellent EP, trois excellentes chansons. Ça vaut la peine d'aller voir ça si vous pouvez vous le procurer. Mais en attendant, je vous présente la chanson Souvenir par Marabout, si c'est sous pression. this is The Ocean Band, all the way from Singapore, and you're listening to CHRY 105.5 FM. Bon, salut tout le monde. Vous écoutez toujours Sous Pression. Dans le dernier bloc, on a écouté du Marabout. On a commencé avec Souvenir de leur nouveau EP sorti sur la compagnie disque Une Vie pour Rien. Impact après ça avec Dernier Combat de leur album Légende Urbaine. Et on vient terminer avec Sherwood Pogo, la chanson Squat Movement, un vieux groupe de punk français. Je pense qu'ils ont vu le jour dans les années 80, si je me trompe pas. Ouais, un super bon groupe. Je me rappelle quand je pense que j'avais, ça fait longtemps, là, tu sais, plus que 10 ans. Maintenant, quelqu'un m'avait présenté le groupe Sherwood Pogo, puis je l'avais juste écouté comme chez un ami. Elle avait un vinyle du groupe, puis j'ai écouté, puis j'ai trouvé ça super bon. Puis pendant longtemps, je me rappelais plus du nom du groupe. Je me rappelais juste qu'il y avait une chanson qui s'appelait Robin des Bois. Puis j'ai récemment, ça fait peut-être un an, là, je me suis rappelé que c'était Sherwood Pogo, j'ai vu de l'information, j'ai vu la chanson Robin des Bois, puis je me suis rendu compte que c'était ce groupe-là. Alors, c'est ça l'histoire de ma vie. Et j'ai arrêté de parler de l'histoire de ma vie, puis je continue en musique pour permettre au groupe de compter les histoires de leur vie. Je continue maintenant avec Disca, l'escalope de la plus récente album, Il y aviendra mi tourneau, la chanson Mot pour mot. Je vais faire jouer ça, puis je pense que l'escalope vient de terminer une tournée en Europe de l'Est. Et si les nouvelles qu'ils ont mis sur leur site Facebook indiquent bien ce qui s'est passé, ça a l'air que ça s'est bien passé malgré le fait que leur van ne fonctionne plus. Alors, je souhaite un bon salut à tout le monde au Scalop et un bon retour à la santé de leur voiture, sinon une nouvelle voiture dans l'avenir. Alors, je continue maintenant avec l'Escalope ici à Sous Pression. des camarades, compagnons de barricade. Avec des boulons plein les poches, nous préparons notre approche. On se déroule la journée et on débarque. C'était Salvation City Rockers avec la chanson Nocturne, série de leur album éponyme, sorti 2 ans à l'environ. Avant ça, on écoutait Bonne Journée avec 80% Sourd, Ritz's Crew avec Jibbers, et on a commencé le bloc avec Mot pour Mot par L'Escalope de leur plus récent album, Yavendra Mes Tourneaux. Alors vous écoutez, pour ceux ici qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez toujours Sous Pression aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Et on est ensemble jusqu'à la fin de l'âge. Je fais jouer du punk rock, du ska, du hardcore, tout en français. Et je vais parler une seconde de Bonne Journée. Le groupe dont j'ai fait jouer 80% Sourd, Bonne Journée, il y a des membres de Bonne Journée qui sont font partie d'un autre groupe qui s'appelle L'Équipe. Ils font partie du groupe avec d'autres membres de groupe comme Les Prostituées et Les Sprats. Et je viens tout juste de voir ça. J'étais en studio en train de checker mon Facebook. Puis je viens toujours juste de voir que L'Équipe, ils ont mis sur leur site Facebook un lien vers leur album. Leur EP, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger ça de l'Internet. Alors, si vous êtes sur Facebook, faites une petite recherche pour le site de L'Équipe. Le site, ça s'appelle L'Équipe MF. Alors faites une petite recherche pour ça, puis vous allez trouver leur EP gratuitement. Ça vaut la peine. J'ai jamais fait jouer à radio, mais là c'est disponible gratuitement. J'en ferai peut-être jouer la semaine prochaine. Mais ça, allez voir ça. Ils ont sur leur site Facebook. Ils ont des chansons où vous pouvez écouter une couple de leurs chansons à partir de leur site Facebook. Alors allez voir ça, c'est du bon punk rock. Alors, on est rendu à moitié chemin de l'émission, tant que je vous rappelle que l'émission a un site web, www.souspression.wordpress.com, c'est le www.souspression.wordpress.com, comme d'habitude, comme je vous rappelle, à toutes les semaines, vous pouvez aller voir ça, vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, vous pouvez les télécharger aussi gratuitement, alors vous pouvez mettre ça sur votre lecteur MP3, si vous voulez. Et je mets aussi la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine ainsi que d'autres informations intéressantes. Et on a aussi une présence sur Facebook. C'est le facebook.com/sous-pression. Facebook.com/sous-pression. Allez visiter ça, allez aimer la page de sous-pression. Je mets aussi l'info concernant le monde du punk francophone et des liens intéressants. Alors, c'est ça. Et si vous voulez me contacter par courriel, vous pouvez faire ça. Sous-pression@commercial.chry.fm, c'est le sous-pression@commercial.chry.fm. Et je pense que toutes les informations que j'ai à vous donner pour le moment. Je continue en musique avec Les Parias tirés de leur album La Nuit des Longs Billets. Je vous présente, mesdames et messieurs, Un Pingouin dans le Désert.

Yeah. C'était Zabriskie Point avec Fantôme. Je pense que c'est une de mes chansons préférées du groupe, tirée de leur album Comment je deviens Fantôme. Avant ça, on écoutait Streets of Rage avec du Whisky du Sang, Akuma avec Objecteur de Conscience, La Souris Déglinguée avec Irina Blues, Hors Contrôle avant ça avec Rock'n'Roll, du Jeunesse à Patrick avec La Fin d'une Époque, et on a tout commencé avec Les Parias et Un Pingouin dans le Désert. Il nous reste juste une couple de minutes ensemble, là, mais j'ai le temps de faire jouer au moins une dernière chanson. Et c'est ça. Alors, passez une excellente semaine. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Sinon, vous pouvez écouter à partir du site web www.souspression.wordpress.com. Et c'est ça. Si vous avez des demandes spéciales, des plaintes, des commentaires, envoyez-moi ça à souspression@commercial.chry.fm. Et en attendant, on écoute une couple de chansons. Qu'est-ce que je vais faire préparer pour vous? Je vais faire préparer la chanson Ma ville, par Jeune Seigneur, tiré de l'album Tonnerre de Brest. Alors voici Jeune Seigneur, bonne semaine. Dude! défendez la vérité. Et je vous déclare la guerre en guise de dessin.